إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 89 et on a commencé le chapitre 31 si je me trompe pas, non, oui 31. Donc alhamdulillah, on parle de l'amour comme étant une adoration. Et quand est-ce que le fait d'offrir cette adoration-là à autre qu'Allah devient, quand est-ce que ça devient une forme de shirk, et qu'est-ce qui est permis dans l'islam par rapport à l'amour, dans le sens que comment on doit comprendre ce sujet-là, hein. Et le cheikh il explique que bon, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Puis là maintenant on a expliqué aussi que les mushrikoun, ils aimaient leurs idoles et ils faisaient Allah subhanahu wa ta'ala égal dans leur amour avec, hein, c'est-à-dire ils aimaient leurs idoles de façon équivalente ou égale à leur amour qu'ils avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont fait le shirk de cette façon-là. Et maintenant on va expliquer qu'est-ce qui a rapport avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que le cheikh il mentionne maintenant dans un hadith qu'il rapporte, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فالأولى محبة الله وهي محبة عبادة وهي الأصل والقاعدة أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى تأتي بعد محبة الله وكذا محبة كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال وهذه محبة في الله ولله فالمحبة المشروعة محبة الله والمحبة في الله والمحبة الممنوعة هي المحبة مع الله وتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté sur Anas radiallahu anhu, aucun d'entre vous n'est croyant tant que je sois plus aimé pour lui que son enfant, son père et que les hommes en entier, c'est toute l'humanité. Donc ça veut dire que le croyant, pour qu'il soit un vrai croyant, il faut qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son père, plus que son enfant et plus que les hommes en entier, toute l'humanité. Et dans un autre hadith, dans le même sens que celui-là, même que tu dois aimer le prophète plus que toi-même, hein. Et le cheikh il explique ça, il dit que après avoir expliqué et parlé de l'amour d'Allah, maintenant on parle de l'amour du messager. Et en premier donc c'est l'amour d'Allah et c'est un amour d'adoration et c'est la base et c'est une règle, hein, dans l'adoration. Maintenant, en ce qui concerne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est un amour qui suit, hein, qui vient et qui suit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour du messager, c'est une conséquence de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle vient après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que l'amour de tout ce que Allah aime, parmi les individus et les actions. Donc si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois aimer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tu dois aimer toutes les personnes que Allah aime et tu dois aimer toutes les actions que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tu peux pas dire par exemple, moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala mais j'aime pas telle ou telle personne que Allah aime. C'est en contradiction avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tu peux pas dire, moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala mais j'aime aussi les actions que Allah aime pas. Ça aussi c'est en contradiction. Donc ça c'est un exemple de ça, et le cheikh il explique, il dit que la, donc ça c'est un amour, quand tu dis que tu aimes les choses que Allah aime, et que tu détestes ce que Allah déteste, donc quand tu dis que tu aimes ce que Allah aime, c'est un amour dans qu'est-ce qui amène l'agrément d'Allah, et un amour pour Allah, c'est-à-dire pour plaire à Allah. C'est cet amour-là qui est légitime dans l'islam, qui est légiféré dans l'islam. D'aimer, comme on dit, Allah, d'aimer pour Allah, pour plaire à Allah. Donc c'est ces deux formes d'amour-là qui sont permis. L'amour qui est interdit, c'est l'amour avec Allah. On n'a pas le droit d'aimer quelque chose pour qu'est-ce qu'il est, sauf Allah. Et si on aime quelque chose, on doit l'aimer pour Allah. Sinon, on n'a pas le droit d'aimer avec Allah, quelque chose avec Allah. Parce que tout ce que tu aimes parmi les créations, eh ben, sache que si tu aimes quelque chose dans cette création-là, sache que ça vient d'Allah. Et donc, c'est Allah qui mérite cet amour-là et non pas cette créature-là en elle-même. Et donc, tu dois mettre ce que Allah aime au-devant de ce que tu aimes pour toi-même. D'accord ? تقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله. Donc si tu dis que tu mets ce que tu aimes toi-même au-devant de ce que Allah aime, alors tu as une forme d'amour qui est interdite dans l'islam. Cet amour-là que tu as, elle n'est pas permise. Parce que tu as mis ce que tu aimes toi au-devant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. الشيخ الذي وقوله لا يؤمن أحدكم ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما هو نفي لكمال الإيمان أي لا يكمل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقدم محبته على محبة غيره من الخلق أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بل يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر أما الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يقدم محبة والده ووالده على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ناقص الإيمان بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه وأحب إليه من ولده الذي هو بدعة منه وجزء منه وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسن إليه وأحب إليه من الناس أجمعين أيا كانوا. Le cheikh il dit que donc un être humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aucun d'entre vous n'est croyant. Et le cheikh il dit que ça c'est pas pour nier la base de la foi, mais c'est uniquement pour nier la perfection de la foi. C'est-à-dire c'est pas pour dire que quelqu'un n'est pas du tout croyant, qu'il n'est pas musulman. Non, ça veut dire que sa foi elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Il doit parfaire sa foi. Et le cheikh explique que, donc, la foi d'une personne ne peut, c'est ça ce que ça veut dire ce hadith, ça veut dire que la foi d'une personne n'est pas complète tant qu'il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et ça c'est si il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il met au devant de l'amour qu'il a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour d'une autre créature. Il met l'amour de quelqu'un devant l'amour qu'il a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que sa foi, elle n'est pas complète dans ce cas-là. Toutefois, s'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam du tout, hein, qu'il n'a aucun amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il est mécréant. Il est mécréant. Mais s'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il met au-devant de son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de son fils, hein, ou l'amour de son père, eh bien dans ce cas-là, il a une foi qui est imparfaite, incomplète. Et si, et le cheikh il dit qu'il ne va pas compléter sa foi tant qu'il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que lui-même, hein, plus que son être, il doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il s'aime lui-même, et plus que son enfant qui est une partie de lui, qui est un morceau de lui, hein, et qu'il doit aussi aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son père qui est son origine, c'est de lui qu'il vient, et celui qui lui a fait du bien, qui lui a donné tout le bien dans son enfance et qui s'est occupé de lui. Donc, et également, il n'est pas croyant ou il n'a pas complété sa foi tant qu'il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que l'humanité tout entière, peu importe qui ils sont. وهذا يقتضي أن الإنسان يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره، فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرك والدك وأمرك والدك وولد والدك أو ولد أو ولدك أو أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليك معصية هذا الأمر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا تقدم على محبته شيئا ولا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطعه ولو كان أقرب الناس إليك ولو كان أحب الناس إليك، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة وهي ثمرة محبته، ومن علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله هذا. لشيخ ذيك دونك ce hadith-là implique également que l'être humain il doit mettre l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-devant de l'obéissance de quiconque en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Allah, après l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr. Et il dit que si par exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de faire quelque chose, et que ton père ou ton fils ou quelqu'un parmi les êtres humains t'ordonne de faire le contraire de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire, alors dans ce cas-là c'est obligatoire pour toi de désobéir à cet ordre et d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la preuve que tu aimes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa an la tuqaddim, et tu ne dois pas mettre au devant de son amour quoi que ce soit. Wa la tuqaddim ala ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam shay'an. Tu ne dois pas mettre au devant de l'amour que tu as pour, au devant de l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, rien, ou quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un t'ordonne de désobéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas l'obéir. Même si c'est la personne la plus proche de toi dans ta famille, même si c'est la personne que tu aimes, une des personnes que tu aimes le plus au monde, eh ben si elle t'ordonne de désobéir au messager, tu ne dois pas l'obéir dans cette désobéissance au messager. Fata'atul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle passe devant l'obéissance de toute autre créature, et c'est le fruit de son amour. Donc le fruit de, c'est quoi le fruit de ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ton obéissance pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les signes que tu aimes le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu abandonnes ou que tu cesses de faire ce qu'il n'a pas légiféré parmi les innovations et les choses inventées dans la religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. C'est-à-dire que cette action-là qu'il a fait, qui est inventée, qui ne fait pas partie de la religion, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما الذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن البدع والمحدثات فلا يطيعه وإنما يطيع المخرفين والدجالين في هذا فهذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع والمحدثات والخرافات ولو كان الناس عليها، ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الناس إليك، فمن كان عنده بدعة أو مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته، فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: donc celui qui prétend qu'il aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis que par la suite il va commencer à faire les célébrations de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de la naissance des saints qu'il respecte dans la religion, ou qu'il vénère, ou qu'il adore même parfois, eh bien ça, c'est une presque, il est menteur dans sa prétention d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aime pas vraiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit les innovations et les inventions dans la religion. Donc, tu dois pas l'obéir, mais tu dois obéir la personne qui t'ordonne de faire des innovations. Et le cheikh, il dit que, et celui qui obéit aux innovateurs et aux gens qui inventent des mensonges, hein, et aux faux prophètes et des trucs de ce genre, eh ben celui-là, il est un menteur dans sa prétention d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que le messager a interdit de faire des innovations dans la religion et d'inventer des choses dans la religion, ou bien de croire en des superstitions, même si la personne qui suit ces innovations-là est la personne la plus proche de toi, même si c'est ton père qui fait ces innovations-là, ou même si c'est ton fils qui fait ces innovations-là, et même si c'est quelqu'un de ta famille, tu dois pas l'obéir et le suivre dans ces innovations-là. Donc si quelqu'un a une bid'a ou une opposition au messager, il s'oppose au messager dans certaines choses, il est obligatoire pour toi de le désobéir, de lui désobéir. Et si tu l'obéis dans ça, eh ben ça c'est la preuve que tu n'es pas sincère dans ce que tu dis, quand tu dis que tu aimes le messager sallallahu alayhi wa sallam. فالحاصل انه ليس الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة قال او احتفال يقام، لان الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته وطاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقبل الدعوة وانما نقبل الدليل على الدعوة. فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع فهذا دليل على محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذين يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يخالفونه فيرتكبون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به طاعة لأنفسهم أو طاعة لغيرهم، فإن هذا دليل على عدم صدقهم في محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ومن نفسه. Le chef dit donc que, en résumé, on peut dire que la preuve que tu aimes le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelque chose que tu prétends avec ta bouche, que tu dis comme ça, j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de gens disent aujourd'hui qu'ils aiment le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? C'est très facile de dire ça. Il y a des gens qui font toutes les innovations qui sont interdites, ils les pratiquent. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire, ils ne le font pas. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire, ils le font. Et puis tu les vois quand c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la date soi-disant de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les vois en train de chanter, en train de pleurer, en train de crier qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh ben, comment ils peuvent prétendre de cette façon d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils sont en train de faire tout le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu amener? Donc c'est des gens qui n'ont rien compris à la signification de l'amour dans l'islam par rapport à l'amour qu'on doit avoir pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que l'amour, c'est pas juste quelque chose que tu prétends comme ça, ou que tu dis, ou bien une fête que tu établis, une fête que tu fais. La preuve réelle que tu aimes le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu le suis comme il t'a ordonné de le suivre, et que tu obéisses à son ordre, que tu crois en ce qu'il t'a dit comme information sur la religion, que tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit ou de ce qu'il t'a blâmé de faire, et que tu adores Allah par la méthode qu'il t'a enseignée uniquement, et que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala d'autre façon que la façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de le faire. Voilà le dalil. Et ça, c'est la preuve que tu aimes réellement le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on n'accepte pas les prétentions. On accepte uniquement la preuve de cette prétention. C'est-à-dire, la prétention en elle-même, c'est pas une preuve. C'est-à-dire, c'est pas suffisant de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut réellement prouver que tu l'aimes, et la façon dont tu vas le prouver, c'est que tu l'obéis. Le cheikh dit ensuite, donc ceux qui suivent la sunna, ceux qui suivent la sunna et qui abandonnent les bid'ah, eh bien ça c'est une preuve qu'ils aiment le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui prétendent qu'ils aiment le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui contredisent son ordre et qui font ce qu'il a interdit et qui abandonnent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils font ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et qu'ils abandonnent son commandement, hein, soit pour satisfaire leur propre personne, hein, ils obéissent à eux-mêmes, ou bien ils obéissent à d'autres qu'eux-mêmes, et bien ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas de sincérité dans leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'est vraiment croyant tant que je sois pour lui plus aimé que son fils, son père et que toute l'humanité entière. Et même que qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il s'aime lui-même aussi. Et le cheikh dit ensuite, فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنَّا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه ويطبقه على نفسه، هل هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه، هل هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، هل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإن كان كذلك فهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك كما ذكرنا الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتناب البدع والمحدثات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عليها أقرب الناس إليه أو أحب الناس إليه، ويتركها طاعة لله وطاعة لرسوله ومحبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الزيد عنك ستشوف كيكا ou bien plutôt, si quelqu'un d'entre nous veut tester sa foi pour voir à quel point ce hadith-là a un effet sur lui, et qu'il veut savoir si il applique ce hadith-là sur lui-même, donc si ce hadith-là il est bien appliqué dans sa vie, eh ben il veut voir est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé que, c'est-à-dire est-ce qu'il aime plus le messager d'Allah que lui-même, ou est-ce qu'il aime plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que son père ou que son fils, ou est-ce qu'il aime plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que l'humanité tout entière. Donc si c'est réellement comme ça et qu'il aime vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que tout, la preuve de ça c'est que, comme on a dit, il est en accord, il suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en appliquant ses ordres et en abandonnant ou laissant tomber ce qu'il a interdit de faire, et en s'écartant des innovations et des inventions dans la religion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire, même si la personne qui est en train de les faire est la personne la plus proche, hein, de cette personne-là dans sa famille, et même si c'est la personne qu'il aime le plus parmi, qu'il aime, parmi les hommes, qui est en train de faire ses péchés ou ces innovations-là et qui lui ordonne de les faire, il laisse tomber ce que cette personne-là fait et que, ou ce qu'elle ordonne, par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala et par obéissance pour son messager, et par amour pour Allah et par amour pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. فدل هذا الحديث على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل، وأن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضيان المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة، وأنه لو أمرك أي أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك به والأخذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما تحب أو فكما تجب محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله أخرجاه، يعني أخرجاه البخاري ومسلم. Donc comme on a expliqué encore une fois, le cheikh il dit que ce hadith là, pour terminer l'explication de ce hadith, il dit que ce hadith prouve donc l'obligation d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, après l'amour d'Allah, hein, qu'on doit avoir de l'amour pour le messager, ça c'est après qu'on ait l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'amour d'Allah, l'amour du messager, implique l'obéissance au messager. Vous avez l'obéissance du messager et de ne pas s'opposer ou contredire les ordres du messager. Même si quiconque parmi les hommes t'ordonne de le faire, c'est-à-dire quiconque parmi les hommes t'ordonne de contredire ou de t'opposer à l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour toi de désobéir et de rejeter cet ordre, c'est-à-dire l'ordre de la personne qui te demande de désobéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre l'ordre du messager. كما تجب محبة الله وتجب donc de la même façon qu'il est obligatoire pour quelqu'un d'aimer Allah, il est obligatoire pour lui d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran dans le verset 36 dans sourate Al-Ahzab, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété d'une chose, d'avoir encore un choix dans leur façon d'agir ou dans leurs affaires. Et ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il y a un autre hadith que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre. Le hadith, c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Le Cheikh, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ما عنه, c'est rapporté par Anas également. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Donc ça c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Il veut dire que comme Anas a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses que si quelqu'un les retrouve en lui, il va goûter à la douceur de la foi. La première chose c'est qu'il aime Allah et son messager, et qu'il les aime plus que toute autre chose. Hein. Il aime Allah et le messager plus que toute autre chose. Le deuxième c'est qu'il aime un individu ou un musulman, et il ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime quelqu'un et il ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, c'est qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait également se faire jeter dans l'enfer. Comme il détesterait être jeté dans le feu. T'as pas le même ? أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. C'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a deux versions de ce hadith. Il y a plus qu'une narration de ce hadith. Il y a des petites différences entre les deux, mais c'est rien de grand. Hein. C'est des petites. Un yulqa, c'est-à-dire qu'il soit jeté. Et un yulqa, c'est-à-dire qu'il soit jeté, la même chose, presque la même chose, c'est des synonymes. Hein? Yulqa, il soit lancé, jeté, puis yukzaf, c'est qu'il soit lancé. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il signifie ce hadith? Anhu ay an Anas. Qal, c'est selon Anas. Qal, qal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalath ay thalathu khisal. C'est trois caractéristiques. من كنا فيه اجتمعنا فيه أي وجدنا أو ووجدنا فيه. C'est-à-dire من كنا فيه, ça veut dire si trois caractéristiques sont présentes en une personne ou sont réunies dans une personne. وجد بهن حلاوة الإيمان وهذا من ثمرة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire il va trouver par ces trois caractéristiques là la douceur de la foi, et ça c'est, le cheikh dit que ça c'est le fruit de l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit, « وَحَلَاوَةُ الْإِيمَانِ أَيْ لَذَّتُ لِأَنَّ الْإِيمَانَ الصَّادِقَ لَهُ لَذَّةٌ فِي النُّفُوسِ وَلَهُ طَمَأْنِينَةٌ فِي الْقُلُوبِ وَهَذَا هُوَ الْإِيمَانَ الصَّادِقَ تَجِدُ الْمُؤْمِنَ يَتَلَذَّذُ بالإيمان ويطعم الإيمان أكثر مما يطعم أي أنواع الملذات. Le chef dit que il parle de la douceur de la foi. Halawa, ça veut dire quelque chose qui est sucré. Hein? Et donc, on dit la douceur dans le sens que le sucre de la foi, le goût, la douceur de la foi. Eh bien, si tu as ces caractéristiques-là, tu vas goûter à cette douceur-là de la foi. C'est une lettre, ça veut dire quoi? C'est le plaisir, le goût délice, oui, le délice, le goût délicieux de la foi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, le cheikh, il dit que la foi sincère, elle a un goût délicieux dans l'âme. Hein, elle te laisse un plaisir ou une saveur sucrée délicieuse dans l'âme. Et c'est la sérénité dans le cœur, qui est dans le cœur, à cause de la foi d'une personne qu'il a. Et, c'est la foi sincère. Et donc, le vrai croyant, il jouit de cette foi-là dans son cœur, il jouit de ce plaisir et de cette douceur dans son cœur, et il y goûte à la foi, et le plaisir qu'il ressent du goût ou de la sensation de cette foi en lui, eh bien, ça a un effet, et c'est encore plus doux que les meilleurs plaisirs que quelqu'un peut ressentir dans ce monde, d'accord? Et il y a trois caractéristiques donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. La première caractéristique, al-khislatul oula, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أحب إليه من نفسه وأحب إليه من كل شيء، ومن الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء وسائر الناس، وهذا يقتضي تقديم قولهما على قول كل أحد. Donc la première caractéristique, c'est qu'il doit aimer Allah et son messager, et qu'il doit les aimer plus que toute autre chose. Et le chef il explique et il dit que celui qui donc ça veut dire qu'il aime, ça veut dire quoi, qu'il aime Allah et son messager plus que tout, ça veut dire qu'il aime Allah et son messager plus que lui-même, plus qu'il s'aime lui-même et plus que toutes les choses dans ce monde, plus que ses deux parents, plus que ses enfants, plus que ses proches, plus que ses amis, plus que tous les êtres humains, plus que toutes les créatures. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il doit mettre la parole d'Allah et la parole de son messager au devant des paroles de quiconque parmi les êtres humains et les créatures. الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي يحب الإنسان من بني آدم ولا يحبه إلا لله ولا يحبه من أجل طمع الدنيا أو عرض عاجل وإنما يحبه لله لأنه مطيع لله ولأنه مؤمن لأنه تقي. أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو الأغراض فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئا. Donc le chef dit la deuxième caractéristique c'est que tu aimes quelqu'un et que tu l'aimes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes quelqu'un parmi les croyants, tu l'aimes uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, tu aimes quelqu'un parmi les fils d'Adam et que tu ne l'aimes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'aimes pas pour quelque chose de la dunya, un intérêt dans ce monde, ou quelque chose, un profit que tu vas avoir dans ce monde. Mais tu l'aimes uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une personne qui obéit à Allah, parce que c'est un croyant, parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si quelqu'un aime une personne juste parce qu'elle a quelque chose de la dunya, hein, ou parce qu'il a un intérêt auprès de cette personne, ou parce qu'il suit ses passions avec cette personne, ou pour un intérêt, comme on a dit, eh ben ça, c'est pas un amour qui va lui être bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour-là ne lui sera pas bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا فِيهِ فَضْلُ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ والمحبة في الله أوثق عرى الإيمان كما في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وفي الحديث الصحيح أن رجلا خرج إلى قرية ليزور أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته أي في طريقه ملكا ليختبره. فلما مر عليه قال له الملك أين تريد؟ قال أريد قرية كذا وكذا. قال وما غرضك فيها وما شأنك؟ قال لأن فيها أخا لي في الله أحببت زيارته. فقال له الملك وهل عليك نعمة تربها؟ قال يعني هل هو قد أحسن إليك وأنت تحبه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك؟ قال لا، إلا أنني أحببته في الله، يعني ما زرته ولا خرجت إليه إلا لأني أحبه في الله، لا من أجل أنه أحسن إلي أو من أجل أنه أعطاني شيئا أو من علي بشيء. فقال له الملك إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Le Cheikh explique, il dit que, yani, il y a dans ce point-là, dans cette caractéristique-là, le mérite de l'amour pour Allah, ou de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala entre les croyants. Le fait que tu aimes les croyants, un croyant pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un grand mérite là-dedans, et l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'amour dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'anse la plus solide de la foi, hein. C'est l'anse la plus fiable, hein, de la foi. Comme c'est mentionné dans le hadith qui dit, l'anse la plus fiable, ou la corde la plus fiable de la foi, c'est l'amour en Allah et la haine en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire que tu dois aimer quelqu'un pour plaire à Allah et dans l'agrément d'Allah, dans ce qui amène l'agrément d'Allah, et tu dois détester pour qu'est-ce qui amène la colère d'Allah et qu'est-ce qui amène la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est la corde la plus fiable de la foi et la plus solide de la foi. Et il a également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également parlé de 7 personnes qui vont être couvertes d'un ombre au jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux hommes, parmi ces hommes-là, parmi ces 7 personnes qui vont être couvertes de cette ombre au jugement dernier, il y a 2 personnes qui se sont aimées en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se sont réunis que pour l'amour qu'ils avaient en Allah. Et ils ne se sont séparés que pour l'amour qu'ils avaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dans le hadith authentique, qu'un homme est sorti de son village pour aller visiter un de ses frères qu'il aimait en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange sur son chemin pour le tester, pour lui poser des questions, pour savoir pourquoi il allait voir cette personne. Donc quand cet homme est passé près de l'ange, il lui a dit, où est-ce que tu vas? La personne a dit, je m'en vais dans tel et tel village. Alors il lui a dit, et quel intérêt as-tu d'aller à cet endroit-là? Il a dit, je m'en vais, il y a dans ce village un de mes frères à moi, en Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aimerais le visiter. Alors l'ange lui a dit, est-ce qu'il t'a fait quelque chose de bien, et donc à cause de ce bien-là qu'il t'a fait, tu veux aller le visiter pour lui rendre le bien qu'il t'a fait, hein, parce qu'il t'a fait quelque chose de bien, et donc tu l'aimes parce qu'il t'a fait quelque chose de bien, et parce qu'il est correct avec toi? Il a dit non, je vais juste le visiter parce que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire je le visite, et je m'en vais pour le voir uniquement parce que je l'aime dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas parce qu'il m'a fait quelque chose de bien, ou parce qu'il m'a donné quelque chose, ou parce qu'il m'a fait une grâce quelconque. Et donc l'ange lui a dit, sache que moi je suis un envoyé d'Allah pour toi, pour te dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé comme toi tu l'as aimé en lui, comme toi tu as aimé cette personne en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la même façon que toi tu l'as aimé en Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben tu dois, de la même façon que tu l'as aimé, eh ben Allah il t'aime à cause de ça. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit « Uhibbuka fillah », je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois lui répondre « Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fih ». Ahabbaka Allah, c'est-à-dire tu lui dis « Je t'aime en Allah », la personne te répond que Allah t'aime comme tu m'as aimé en lui. C'est ça que ça signifie. كثير من الناس يتحابون ويتآلفون من أجل أمور الدنيا من أجل الرجاء والطمع وغير ذلك إن أحسن إليه وأعطاه شيئا أحبه وإلا فإنه لا يحبه وهذا موجود في البهائم والكلاب والقطط إذا أحسنت إليها فإنها تؤلفك وتحبك جبلة وطبيعة فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ولكن هذا ليس له مزية إنما المزية أن تحبه لا من أجل شيء أعطاك وإنما تحبه من أجل الله عز وجل فهذه هي درجة العالية الرفيعة من المحبة في الله لشيخ ما شاء الله يقول qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui ils s'aiment et ils se rapprochent uniquement dans les choses de la dunya pour les choses d'argent de la dunya et les choses de ce genre pour les intérêts matériels. Et ça c'est triste parce que c'est la réalité. Qu'est-ce que le cheikh explique maintenant? Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens c'est comme ça. Ils s'aiment, ils sont ensemble juste parce qu'ils ont quelque chose de la dunya ensemble. Soit de l'argent, un commerce, un projet, des intérêts économiques ou autres. Sinon ils ont envie, ils veulent rien savoir de l'autre. Allah al-Musta'an. Et même, c'est pas pour Allah qu'ils s'aiment. La preuve c'est que souvent, quand une de ces personnes-là fait quelque chose de mal ou des choses de ce genre, ils continuent à s'aimer. Même si ils sont dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve qu'ils ne s'aiment pas vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'aiment pour quelque chose de la dunya. Donc le cheikh il dit, beaucoup de gens, ils s'aiment parce qu'ils ont un espoir en une personne d'avoir quelque chose de leur part, hein, ou bien ils souhaitent avoir quelque chose de leur part. Et si quelqu'un te fait quelque chose de bien, ou te donne quelque chose, tu l'aimes. Et s'il ne te donne pas, tu ne l'aimes pas. Donc tu aimes la personne parce qu'elle te donne. Et quand elle ne te donne rien, tu ne l'aimes pas. Le cheikh il dit, et ça cette chose, cette caractéristique-là, ça existe même chez les animaux. Hein? Le cheikh il dit, ça existe chez les chiens, ça existe chez les chats. Hein? Il dit, même un animal, si tu fais quelque chose de bien à un chat ou à un chien, il va t'aimer. Hein, tu donnes à un chat quelque chose, de la nourriture, du lait, des biscuits, quelque chose. Il va te suivre, il va t'aimer. tandis que si tu lui donnes rien, il va rien faire de toi. Il va t'ignorer, bon. Alors, il y a des gens, ils ont cette même attitude-là, et le chef, il dit, il n'y a aucune particularité, ou aucun avantage, mais il y a aucun, non, pas intérêt. Il n'y a rien de supérieur, il n'y a rien de meilleur dans le fait, il n'y a rien de vraiment, comment je pourrais dire, distinctif, oui, dans le fait que tu vas dire, j'aime quelqu'un parce qu'il m'a fait du bien. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose, Allah, il a mis dans l'âme de tout être humain, de toute créature, même les animaux, que quand on te fait du bien, tu aimes ça. Donc, ça ne veut rien dire que tu aimes quelqu'un parce qu'il te fait du bien. C'est pas là qu'il y a le test. C'est pas là qu'il y a le vrai test. Le vrai test, c'est est-ce que tu vas aimer quelqu'un en Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah, même s'il t'a rien fait de bien. Et même parfois, il te fait quelque chose de mal, mais tu l'aimes parce que cette personne aime Allah, parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu l'aimes même si cette personne-là a été dure envers toi. Ok? Donc, ça, c'est pour te dire. Donc, le shaykh, il dit, c'est ça la particularité, c'est ça le bien. C'est lorsque tu aimes quelqu'un, pas pour la chose que la personne t'a donnée, pas parce que la personne t'a donné quelque chose, mais tu l'aimes uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le niveau élevé de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important de comprendre. Et le cheikh il dit, الخفلة الثانية الثالثة التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كل الناس ينفرون من النار والعياذ بالله لأنها مؤلمة لا أحد يصبر على حرها فكل يفر من النار ويبتعد عنها والكفر نار والمسلم الذي من الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفر ويكره الردة عن دين الإسلام كما يكره أن يلقى في النار هذا هو المؤمن حقا الذي تمكن الإيمان من قلبه فلا يساوم عليه, يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه أبدا مهما كلفه الأمر بل يتمسك بدينه لأنه وجد حلاوة الإيمان ولذته. الشيخ في la troisième caractéristique, parmi les caractéristiques qui font qu'un serviteur goûte à la douceur de la foi, c'est qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Tous les gens s'enfuient, le cheikh dit tout le monde s'enfuit du feu, que Allah nous en protège. Pourquoi? Parce que le feu il est douloureux, ça fait mal. Et une personne est capable de supporter sa chaleur. Et tout le monde donc s'enfuit du feu et s'en éloigne. Et la mécréance c'est un feu. La mécréance c'est un feu et le musulman, celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce en lui donnant l'islam, eh bien il déteste retourner à la mécréance. Et il déteste apostasier de la religion de l'islam, comme il détesterait être jeté dans le feu. Et ça c'est le vrai croyant. Le vrai croyant qui sait, le vrai croyant, celui, disons que la foi s'est vraiment implantée dans son cœur. Il n'y a rien qui peut le faire sortir ou dévier, ou faire des compromis dans sa foi ou par rapport à sa foi. Peu importe ce que ça demande de lui, il s'accroche à sa religion. Celui-là, il le fait parce qu'il a goûté à la douceur de la foi et au plaisir de la foi. Des fois, subhanallah, je me rappelle, j'ai rencontré des musulmans, des jeunes musulmans, malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala les a pas guidés. Ils sont nés dans l'islam, mais ils n'ont pas compris ou goûté à la douceur de la foi, peut-être, Allahu a'lam. Alors, ils sont tentés par des choses futiles de la dunya, comme par exemple sortir dans des discothèques ou des boîtes comme ils appellent la fin de semaine, le soir, ils vont dans ces endroits-là et ils croient que ça c'est être comme en train de s'amuser et puis d'avoir du plaisir et que c'est ça la vraie vie, de sortir dans ces endroits-là. Et eux, ils voulaient comme faire des blagues avec moi, ils savent que je suis musulman, que j'essaie de suivre l'islam et la sunna et tout. Donc il dit, viens avec nous, on va t'amener en boîte. Et moi ça me fait rire parce que je me dis, ça fait maintenant, alhamdoulilah, Allah il m'a guidé depuis plusieurs années, depuis beaucoup d'années maintenant que je suis musulman dans l'islam. Et avant l'islam, depuis que j'étais très très très jeune, j'ai connu ces environnements-là. Et je sais qu'est-ce qui se passe dans ces milieux-là. Et on a laissé tomber ces affaires-là, et quand on a compris la douceur de l'islam, et la valeur de cet islam, et la grandeur de cet islam, on a vu que ça c'est des bêtises, des stupidités, des futilités, et une perte de temps, gaspillage d'argent, perte d'énergie inutilement, je peux dire, une seconde que tu perds dans un endroit pareil, c'est comme si tu as perdu ta vie entière, parce que tu vois que c'est une perte de temps complète, inutile, que ça te donne rien, que ça te ramène rien, et que ces gens-là, le shaitan les a fait perdre dans l'illusion, il les a aveuglés de croire que c'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai bonheur, le vrai plaisir dans ce monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre le cœur et ouvre leurs yeux pour leur faire réaliser que c'est pas là que se tient le vrai bonheur, c'est pas là que se tient le vrai plaisir, mais plutôt c'est dans la foi. Amin. Parce que lorsqu'ils vont goûter à la douceur de la foi, ils vont tout de suite laisser tomber ces choses-là. Mais pour goûter à la douceur de la foi, il faut pratiquer cette religion, il faut l'appliquer. Parce que si tu ne fais pas d'efforts pour essayer d'être meilleur, ben tu ne vas jamais goûter à la douceur de la foi. Pour arriver au point que tu aimes Allah et son messager plus que tout, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui arrive au monde entier, ça te dérange pas. Regardez qu'est-ce qu'il disait l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il disait, qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi? Qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi? Ils ne peuvent rien me faire. Parce que soit qu'ils me tuent, s'ils me tuent, je vais être martyr. Soit qu'ils m'expulsent. Et s'ils m'expulsent, ça va me faire comme une sorte de, voyage dans le monde, hein, explorer, voir le monde. Ouais, il a dit, s'ils m'enferment en prison, ça va me faire comme une retraite spirituelle pour m'adonner plus à l'adoration et à l'étude. Et quoi d'autre encore, qu'est-ce qu'il a mentionné? En tout cas, il a dit, peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de faire, ils ne pourront jamais rien faire contre moi. Parce que peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, pour moi c'est un bien. Hein? Et il disait que il y a un paradis dans ce monde. Celui qui n'est pas rentré, il ne va pas rentrer au paradis après la mort. Et ce paradis-là dans cette vie, c'est le paradis de la douceur de la foi. Celui qui n'a pas goûté, celui qui n'est pas entré dans ce paradis-là, il ne va pas y aller goûter au paradis dans l'autre vie. Et la même chose, comme les kuffars des fois, non, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est juste dans ce monde actuellement. Hein? On est dans l'enfer maintenant. C'est ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas goûté à la foi. Donc ils ne voient que le malheur, ils ne voient que le mal. Hein? Et donc pour eux, c'est l'enfer dans ce monde. Parce qu'ils pensent que ici c'est l'enfer. Donc Allah leur donne un double châtiment. Il leur donne l'enfer dans ce monde, il leur donne l'enfer dans l'autre vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne ou qui s'écarte de mon rappel, il aura une vie misérable. Peu importe même s'il a l'argent, la richesse, les femmes, le plaisir, tout ce qu'il peut souhaiter dans cette vie, il va vivre une vie misérable. Parce que le fait de vivre une vie misérable, c'est pas relié avec qu'est-ce que tu possèdes de bien, c'est relié avec l'état dans lequel ton cœur est par rapport à Allah, par rapport à la foi, par rapport à pourquoi tu vis, pourquoi tu existes. Et donc ces gens-là, ils vont vivre une vie misérable. Peu importe. Et là, c'est ça qui est important de comprendre. Donc faire goûter à la douceur de la foi, pour y goûter, il faut faire les efforts. Donc le cheikh il dit que il doit détester donc la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu. Et il ne fait pas de compromis dans sa religion, il s'accroche fort. أما الذي يدعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان أو شيء منه من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل على ما فهذا دليل إما على عدم إيمانه أو على نقصان إيمانه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أما المؤمن فإنه يصبر ولو نال شيء من المكاره ولو حاول الناس أن يصرفوه عن دينه أعطوه أموالا وأعطوه ما يعطونه وحاولوا صرفه عن دينه أو التنازل عن دينه بالتخويف والتهديد بالقتل أو والتهديد بالتعذيب فإنه يسر ولا يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى متمسكا بدينه. هذا هو المؤمن حقا. Le cheikh il explique un point ici important qu'il dit. Celui qui prétend d'avoir la foi, mais qui fait des compromis dans sa foi, qui abandonne des choses de sa religion qui sont, soit qui abandonne la foi au complet ou des choses de la foi, parce qu'il a peur, ou parce qu'il veut l'intérêt de la dunya de la part des koufars, hein, il a peur des koufars ou il a peur de perdre l'intérêt de la part des koufars. Et bien ça c'est la preuve soit qu'il n'a pas de foi du tout, ou soit qu'il a une foi faible. Et le cheikh il dit parmi les hommes, hein, il mentionne le verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 10, qui dit, et parmi les hommes il y en a qui disent nous croyons en Allah. Et lorsqu'ils ont une épreuve, ou que quelque chose leur touche, une nuisance ou une difficulté les touche dans ce monde, à cause d'Allah, à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent le châtiment d'Allah à égalité avec, avec cette épreuve-là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, ils disent, ah, étant donné que je suis en train de faire quelque chose pour Allah et ça me cause de la difficulté et des problèmes, je vais abandonner l'effort que je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter les ennuis et les difficultés que ça me cause. Donc, la fitna que les gens me donnent à cause d'Allah, et les épreuves que les gens me donnent à cause de ma foi en Allah, je la mets à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme si je me dis, qu'est-ce que ces gens-là me donnent, parce qu'en réalité le châtiment d'Allah dans l'au-delà, c'est pire que toutes les difficultés que quelqu'un peut me donner dans cette vie. Hein? Donc comment je vais abandonner le travail que je fais pour Allah, par crainte de ce qu'il me donne comme difficulté, comme si ça allait, yani, disons, me faire éviter les problèmes dans ce monde, et que j'oublie que le châtiment d'Allah est plus grand que la difficulté que ces gens-là me donnent. Donc si j'abandonne le travail que je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de ces gens-là, et pour faire plaisir à ces gens-là, eh ben, c'est comme si j'ai mis l'épreuve qu'ils me donnent et les difficultés qu'ils me donnent, je l'ai mis à égalité avec le châtiment d'Allah. Donc j'ai rabaissé, j'ai dénigré le châtiment d'Allah par rapport à la difficulté que ces gens-là me donnent. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça, mon frère. Ouais, tous ces gens-là, surtout quand on vit dans un pays comme ici par exemple, qui est pas musulman, et puis que les gens se plaignent, ah, quand je travaille chez les koufars, je peux pas aller faire ma prière. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a béni, il t'a donné un commerce. C'est toi le propriétaire de ce commerce et tu as la clé, toi le chef. Personne peut t'imposer ou t'interdire quelque chose. Et toi, tu t'imposes toi-même de pas fermer ton magasin et de rester là. Ou de laisser des employés qui sont musulmans là-bas et tu ne les laisses pas aller faire la prière. Donc c'est un problème, toi. Et donc, on en a parlé de ça déjà, comment des gens... des choses comme ça. Donc le cheikh explique que le vrai croyant, il doit être endurant. Toutes les difficultés qui lui arrivent, il doit faire preuve de patience devant ces difficultés-là, même si les gens essaient de le détourner de sa religion et lui donnent de l'argent. Hein, ils vont venir, ils vont te dire, on va te donner de l'argent, on va te donner de l'argent si tu arrêtes de dire qu'est-ce que tu dis, ou si tu arrêtes de faire ce que tu fais, on va t'acheter. Hein. En fait, c'est ça ce qu'ils font, ils les achètent. Hein, et il y a des gens comme ça, malheureusement, eh ben, ils vendent leur âme au shaitan, hein, ils acceptent de l'argent de la part des koufars ou de la part des munafiqins pour cesser de dire la vérité et d'enseigner l'islam aux gens et de faire la da'wa aux gens. Donc, quiconque accepte de l'argent des koufars ou des munafiqins ou des ennemis de l'islam, en général, hein, ils acceptent de leur part de l'argent pour combattre les musulmans et combattre l'islam, ou bien pour cesser de dire la vérité, eh ben lui il n'a pas fait preuve de patience, il n'a pas fait preuve d'endurance, il s'est fait acheter. Et aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de gens dans le monde qui se laissent acheter. Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent qu'on t'a donné pour cesser de travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Dans cette vie, tu vas en jouer un petit peu peut-être, tu vas faire quoi? Tu vas t'acheter une maison, une voiture, tu vas jouer des choses de la dunya. Et après, quand tu meurs, qu'est-ce qui va t'arriver? Ça c'est encore plus grave. Mais les gens qui se laissent acheter de cette façon-là, ils ne pensent pas à qu'est-ce qui se passe après la mort. Parce que s'ils avaient réfléchi à ça, ils n'auraient pas accepté un sou, hein, pour ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui accepte de l'argent, hein. Ça c'est des exemples de gens qui sont pas sincères dans leur foi. Ils lui donnent des choses, ils lui donnent des bénéfices, ou des fois c'est pas de l'argent, ils lui donnent des choses de la dunya, ou des intérêts, ou un visa, ou un papier, hein, ou une carte de la citoyenneté d'un pays, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui font ça. Ou bien, ils essaient de le détourner de sa religion de différentes façons, soit en lui faisant peur, soit en le menaçant de le tuer, soit en le menaçant de le torturer, hein. Parce que, et ils lui disent que يعني ils vont soit disant si il ne fait pas ça ils vont l'expulser ou ils vont faire ci ou ils vont faire ça et donc il accepte de laisser tomber ou de faire quelque chose qui va en opposition avec sa foi et sa religion pour satisfaire ces choses-là. Donc le chef il dit qu'ils font des, ils vont essayer de te menacer, de torturer, Donc le chef il dit celui qui persiste et qui endure et qui ne fait pas de compromis et qui ne rabaisse, qui ne sort pas ou qui ne descend pas des principes de sa religion jusqu'à ce qu'il rencontre Allah en s'accrochant à sa religion, alors celui-là c'est le vrai croyant. Le chef il dit وقوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قالوا هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يعود من هذا النوع أي أنه يكون من هذا النوع ممن وجد حلاوة الإيمان ولما وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدا. Le cheikh il dit que dans ce hadith là, dans cette partie là, dans cette caractéristique, qu'il déteste de revenir à la mécréance lorsque Allah l'en a sauvé, comme il était prêt à être jeté dans le feu. Il y en a des ulama qui ont dit, ça c'est la preuve que la personne qui est contrainte, hein, c'est-à-dire on te prend avec une arme, hein, ou avec un couteau, un fusil, quelque chose, et on te force à renier ta foi, renier l'islam, ou à dire une parole de mécréance, à l'insulter Allah ou son messager ou l'islam. Celui qui endure et qui supporte la mort, il fera partie de cette catégorie de ceux qui ont goûté à la douceur de la foi, parce que il a tellement compris la douceur de la foi qu'il n'accepte pas de descendre sur un des principes de sa foi ou de laisser tomber un principe de sa foi. Hein, il s'accroche même si ça implique qu'il doit mourir. Ça c'est un niveau plus élevé et c'est la douceur de la foi. Malgré que lorsqu'on est contraint, Allah nous a permis dans des situations de contrainte de dire des paroles de mécréance pour pouvoir sortir de la contrainte. Mais celui qui reste ferme jusqu'à la mort, celui-là il est encore plus haut dans son degré de foi. ولهذا جاء في قصة الرجلين اللذين مرا على صنم لم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب يعني اذبح للصنم حتى نتركك تمر، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة، وقالوا للآخر قرب، فقال ليس عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، الأول أبى أن يذبح لغير الله، والثاني استجاب، فالأول قتل ودخل الجنة، والثاني ذبح لغير الله، ذبح لغير الله فمر مع الطريق ودخل النار. لأنه رجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل الجنة، وهذا الإيمان إذا باشر القلب وجد حلاوته، فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه. شيخ دان لكزام دي حديث دي دوزان كي سون باسي دانز اون فيل où il y avait une idole et il ne laissait passer personne sauf à condition qu'ils égorgeaient ou qu'ils sacrifiaient un animal pour leur idole. Et donc le premier, il a refusé de sacrifier quoi que ce soit pour autre que Allah. Et donc il s'est fait couper la tête. Le deuxième, on lui a dit, sacrifie quelque chose. Et lui, il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Il a dit, sacrifie même une mouche. Ou un moustique. Et là, il a sacrifié une mouche. Hein, et donc ils l'ont laissé passer et il est entré en enfer, et le premier est rentré au paradis. Donc c'est pour dire que yani, le cheikh il donne cet exemple là pour faire comprendre que yani, le premier il a accepté la mécréance après que Allah l'en avait sauvé, et le deuxième, il a refusé la mécréance et de revenir à la mécréance, et il a été endurant, et donc il a été exécuté, il est rentré au paradis. Et donc ça c'est lorsque un cœur a goûté à la douceur de la foi, hein, et qu'il a compris l'importance de la foi, il ne veut pas retourner à la mécréance à aucun prix. Donc ce hadith-là, c'est, disons, une balance par laquelle on peut peser le degré de foi d'un serviteur. وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. فَإِذَا عَرَضَ شَيْءٌ مِنَ الْعَوَارِضِ. Ah non, ça c'est la première caractéristique. Donc, فَإِذَا عَرَضَ شَيْءٌ مِنَ الْعَوَارِضِ فإنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ذلك العارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومراغباتها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال العلماء: هذا فيه تكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ما يضادها يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا حديث عظيم، وقوله في رواية: لا يجد أحد طمع الإيمان. هذه الرواية في صحيح البخاري، وفائدتها أنها نفت بمنطوقها وجود طعم الإيمان عن من لم يتصف بهذه الصفات الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أما الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم، مفهوم المخالفة، على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان، وإن كان فيه إيمان ولكنه لا يتلذذ به ويجد طعمه. فالرواية الثانية دلت بالمنطوق والأولى بالمفهوم، ولهذا ساقها الشيخ رحمه الله بعد الحديث. للشيخ الذي ensuite que donc ce hadith, hein, comme on l'a dit, il a, comme certains ulama ont expliqué, ce hadith il explique trois degrés ou trois aspects de la foi. La première partie c'est la perfection de la foi ou la perfection de l'amour. La deuxième c'est les embranchements de la foi, et la troisième c'est de repousser ce qui s'oppose à la foi. Et donc la première aspect, celui qui consiste à compléter la perfection de la foi, c'est-à-dire que Allah et son messager sont plus aimés de toi que toute autre chose dans ce monde. L'embranchement ou les choses qui font partie des branches de l'amour ou de la foi, c'est que tu aimes quelqu'un uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça fait partie de tafri'iha. Et le cheikh il mentionne de repousser ce qui s'oppose à la foi. C'est la troisième aspect, ou la troisième partie, c'est le fait de détester, de retourner à la mécréance. Une fois que Allah t'a sauvé de la mécréance, tu détestes de retourner, comme tu détesterais être jeté dans le feu. Et donc c'est un hadith très très grand, et il y a une autre version de ce hadith qui est mentionnée justement dans les paroles du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Il dit qu'il y a une autre narration qui dit « La yajidu ahadun halawat al-iman hatta » Et c'est ça ce qu'il dit le cheikh, il dit « La yajidu ahadun ta'am al-iman » Ça c'est une autre narration qui est dans le Sahih al-Bukhari. Et cette narration-là, ça veut dire que personne ne goûtera à la foi. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette narration-là? C'est que elle nie dans son sens que quiconque pourra goûter à la foi, personne pourra goûter à la foi s'il n'a pas ces caractéristiques-là. Qu'il doit aimer Allah et son messager plus que tout autre, qu'il doit aimer quelqu'un mais qu'il ne l'aime uniquement pour Allah, et qu'il doit détester de retourner à la mécréance une fois qu'Allah en a sauvé. Mais la première narration, il dit que elle prouve cela par sa compréhension. Mafhoum al-mukhalafa, donc quiconque n'a pas ces caractéristiques-là, mafhoum al-mukhalafa, ça veut dire tu le comprends par son sens, par le contraire de son sens. Ça veut dire tu vois ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et tu dis donc ça implique la négation du contraire. Tu vois, donc par exemple si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu vas pas goûter à la foi sauf si tu as aimé Allah et son messager plus que toute autre chose, donc tu dis donc celui qui n'a pas aimé Allah et son messager plus que toute autre chose, alors il ne goûte pas à la douceur de la foi. Ça implique l'opposé du contraire. Ça implique, la négation du contraire. Ça, l'inverse, c'est ça. Ça implique la négation de l'inverse. C'est comme si je te dis, si tu fais la salat, tu vas aller au paradis. Ça implique que si tu fais pas la salat, tu vas pas aller au paradis. Donc c'est un exemple. Mafhoum al-mukhalafa, c'est ça. Ok. Et donc c'est ça. Donc c'est pour dire que dans les deux narrations, il y a une petite nuance, une petite différence dans la signification, mais un implique l'autre. Par exemple, la première narration, elle implique la même chose que la deuxième, quand on le prend dans son sens inverse et qu'on nie son inverse. Wallahu a'lam. Après, il mentionne un autre hadith. Sauf que c'est une narration, une parole de Abdullah ibn Abbas. Et cette narration, ou cette parole d'Abdullah ibn Abbas, elle n'est pas authentique. Mais sa signification, elle est vraie. Sa signification, elle est vraie. An ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال, من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة المؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Donc cette narration qui rapporte les paroles de Abdullah ibn Abbas, ça dit que quiconque a aimé en Allah et a détesté en Allah et qui s'est allié à quelqu'un en Allah et qu'il s'est opposé à quelqu'un en Allah, alors c'est de cette façon-là que tu deviens un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, et tu vas pas goûter au goût ou à la douceur de la foi, ou au goût de la foi, même si tu fais beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, tant que tu n'as pas appliqué ce principe-là, que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que la plupart des gens aujourd'hui, ils ne se prennent en fraternité, ou disons, ils n'ont des liens de fraternité entre eux que pour des choses de la dunya. Et il dit que le fait de faire d'avoir ce genre d'attitude-là, ça ne va pas ramener rien de bon aux gens qui ont cette catégorie de fraternité là, c'est pas suffisant, ça va rien leur servir au jugement dernier. Après, donc, on va lire l'explication. وقال رحمه الله عن ابن عباس قال من أحب في الله يعني من أجل الله فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الله لا يحبهم من أجل طمع الدنيا أو طمع الدنيا أو رغبة عاجلة وإنما يحبهم في الله وأبغض في الله أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء أو أنهم تعدوا عليه أو ظلموه لا يبغضهم من أجل هذه الأمور لأن هذا بغض طبيعي ليس بغضا يتعلق بأمور العبادة. Le chef explique ici un point, il dit, donc les paroles d'Abdullah ibn Abbas, quand Abdullah ibn Abbas il dit, celui qui aime en Allah, c'est-à-dire qu'il aime pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il aime les croyants, hein, donc il aime les croyants, parce qu'ils sont des alliés d'Allah, et il ne les aime pas pour les choses de la dunya ou pour un intérêt de ce monde, de ce bas monde, il les aime uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que il aime l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quiconque déteste en Allah, c'est-à-dire, il déteste les koufars, il déteste les munafiqins, il déteste les mouchriquins, il déteste les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah. Pas parce que le mouchriq ou le kafir ou le mubtadi lui a fait quelque chose de mal comme il l'a frappé, hein, ou bien parce qu'ils t'ont privé de quelque chose que tu voulais, ou bien parce qu'ils ont transgressé contre toi ou qu'ils t'ont fait une injustice, alors que tu les détestes parce qu'ils t'ont fait ces choses-là. Le cheikh dit ça, c'est une haine qui est naturelle. Ça, c'est pas une haine qui a rapport avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu détestes le mouchrik et le kafir ou le mubtadi' ou la personne qui désobéit à Allah, tu le détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est mécréant, parce qu'il rejette la foi, parce qu'il dit des mensonges contre Allah et contre son messager et contre sa religion, tu le détestes uniquement pour ça. Pas parce qu'il t'a frappé ou parce qu'il a colonisé ton pays ou parce qu'il t'a craché dessus ou parce qu'il a violé ta famille ou a violé tes frères et tes soeurs et tes femmes et des trucs de ce genre, ou parce qu'il a volé ta richesse de ton pays, ton pétrole ou je sais pas quoi d'autre. Ça, c'est des raisons naturelles de détester quelqu'un. Tu vas détester quiconque va te faire du mal, hein. Si un chien qui a tué un loup qui a mangé ton bébé ou ton enfant ou qui a mangé tes moutons, tu vas détester. Ça veut pas dire que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire la distinction entre détester un kafir ou un mouchrik, un chrétien ou un juif ou un idolâtre ou un mubtadi' pour Allah, il est détesté pour des choses de la vie d'ici-bas. Ça c'est pas du tout la même chose. On doit détester uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et le chef, il dit, ouais, tu détestes quelqu'un qui fait de l'injustice, tu détestes son injustice, même si c'est un musulman qui te le fait. Même si c'est quelqu'un qui est, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est un musulman qui fait la salat, qui fait pas de shirk, qui est sur le tawhid, hein, qui pratique sa religion, qui te fait une injustice, tu détestes cette injustice, mais tu l'aimes parce que c'est ton frère en islam. Tandis que le kafir, le mushrik, même s'il te fait du bien, t'es obligé de le détester parce qu'il a mécréant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu le détestes pour sa mécréance, tu le détestes pour son shirk, tu le détestes parce qu'il dit Jésus c'est le fils de Dieu. Hein? Tu le détestes pour ces choses-là, pas juste parce qu'il t'a fait du mal. Parce que le fait que tu le détestes parce qu'il t'a fait du mal seulement, ça c'est pas quelque chose qui rentre dans l'adoration. Hein? C'est comme il y a plein de frères qui viennent de certains pays musulmans, ils détestent certains koufars de certains pays qui ont colonisé leur pays d'origine. Mais les autres pays des koufars qui ont colonisé d'autres pays musulmans, mais pas leur pays à eux, ils les aiment ces pays-là. Donc ces koufars-là. Là, eux sont corrects, ils n'ont pas colonisé mon pays. Adiaban, donc tu dois détester les koufars, pas parce qu'ils ont colonisé ton pays, tu dois les détester parce qu'ils sont koufars. Hein? Tu détestes pas les juifs parce qu'ils ont pris la Palestine. Mais s'ils te donnent la Palestine, tu vas cesser de les détester. Parce que tu dois les détester pour Allah à cause de leur mécréance. À cause qu'ils ont menti contre Allah et contre son messager. Et qu'ils traitent les messagers de menteurs et qu'ils rejettent la vérité. C'est pour ça que tu dois les détester. Wa alatillah. Hein? Ay, habba, wa nasara. Falmuala al-muhabba wa al-munasara. والمعاونة وعادة في الله أي أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل الله لأن الله يبغضهم فإنما تنال ولاية الله وولاية الله محبته ونصرته أما الولاية ولاية محبته ونصرته أما الولاية بالكسر فهي الإمارة والوظيفة وولاية القضاء وولاية الملك وولاية حزبة وولاية الله وولاية الله تعني محبة محبة الله فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فإنما تنال محبة الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه الله. الشيخ يقول que celui qui a, donc comme la suite de la parole de Abdullah ibn Abbas, celui qui prend pour allié, celui qui prend quelqu'un pour allié pour Allah, c'est-à-dire qu'il l'aime et qu'il le défend, alors ça veut dire c'est la al-muwalat. Al-muwalat, ça veut dire que tu aimes, que tu défends, que tu supportes et que tu aides. C'est ça que ça veut dire. Donc tu aides, tu supportes pour Allah et que tu aimes pour Allah. Et que aada, tilla, ça veut dire que tu détestes les kuffars, les munafiqin, les fasiqin, les mubtadi'a, pour Allah, parce que Allah les déteste, et ben c'est comme ça que tu vas atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah va te donner la victoire, et qu'il va te supporter. Al-wilaya, il faut faire la différence entre le mot walaya et le mot wilaya. Les deux sont deux mots différents. Al-walaya, c'est, ça vient de wali, c'est-à-dire, tu prends, Allah est appelé comme un allié, et il t'aime, et il te supporte. Tandis que al-wilaya avec le kasra sous le waw, ça c'est wilaya dans le sens de, d'être un dirigeant, d'avoir de la dirigeance, ou d'avoir une position, comme par exemple wilaya, dans le sens que tu es en charge d'être, comme par exemple tu es un juge, ou bien tu es un roi, ou bien tu es quelqu'un en charge, c'est ça que ça veut dire wilaya. Tandis que le walaya, ça veut dire l'amour et le support. Donc, quiconque a cette description-là qu'Abdullah ibn Abbas a mentionné, eh ben, il fait partie de ceux que Allah aime. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, dans Surat Al-Ma'idah 54, Allah dit, oh, vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostatie de sa religion, Allah viendra avec un peuple qu'il aime et qui, c'est-à-dire un peuple, que Allah aime et que eux, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont puissants et fiers envers les mécréants et ils sont humbles envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants. Ils luttent dans le sentier d'Allah et ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Après, il dit donc, si tu as ces caractéristiques-là, et bien c'est là que tu auras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'auras en obéissant à son messager comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, et comme Allah il le dit dans le Coran, comme il dit dans Surat Al-Imran, dit, si vous aimez réellement Allah, alors obéissez-moi, ou suivez-moi, et Allah vous aimera. Donc quiconque suit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, Allah va l'aimer. Et quiconque désobéit au messager, Allah va le détester. فَقَوْلُهُ فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ أي لا يحصل الإنسان على محبة الله ونصرته إلا بهذه الأمور المحبة في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أما الذي يتخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي من أحسن إليه أحبه ولو كان عدوا لله عز وجل ومن أساء إليه أبغضه ولو كان وليا لله فهذا لا ينال ولاية الله ولهذا قال ابن عباس في آخر الحديث وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا لشيخ الفي tu vas pas atteindre l'amour d'Allah et son support excepté si tu as ces caractéristiques là que tu vas pas être aimé d'Allah et tu n'auras pas son support et sa victoire excepté si tu as aimé en Allah et détesté en Allah et que tu t'es allié avec les gens pour Allah et que tu t'es opposé aux gens en Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah. Donc il dit celui qui contredit ça et qui prend les gens ou qui prend sa balance ou sa référence dans sa façon d'agir envers les gens c'est la dunya, il s'oppose aux gens par rapport à la dunya et il s'allie aux gens par rapport à la dunya. Celui qui lui fait du bien, il l'aime, même si c'est un ennemi d'Allah. Et celui qui lui fait du mal, il le déteste, même si c'est un allié d'Allah. Alors, celui-là, il n'aura pas l'aide et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, il dit à la fin de ce hadith, et la plupart des gens, aujourd'hui, ils se font entre eux des liens de fraternité, uniquement pour des choses de la dunya. إذا شيخ الدفاع ابن عباس يستنكر في وقته أن الناس صاروا يوالون ويعادون من أجل الدنيا فكيف في وقتنا aujourd'hui à l'époque actuelle surtout par exemple au Canada ou en Europe les gens sont loin de leur pays d'origine parfois et le fait de se retrouver loin de leur pays quand ils se retrouvent ensemble hein, ils s'assoient, ils discutent, ils rient ensemble comme si rien n'était même s'ils savent que la personne avec qui ils s'assoient pour rire et pour faire des blagues c'est des gens qui s'opposent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui contredisent la religion mais le fait qu'ils viennent du même pays et qu'ils se connaissaient là où ils étaient ils viennent de la même ville c'est comme si pour pas se sentir dans comme on est dans un pays étranger puis on veut créer des liens de hein parce que on est loin de on a le mal du pays hein on se sent un peu isolé et il y a des gens comme ça de fait qu'ils soient isolés dans un pays étranger et qu'ils soient en présence de d'autres personnes qui viennent du même pays qu'eux et de la même ville qu'eux eh ben ils commencent à s'asseoir ensemble puis ils rigolent et puis ils passent des bons moments soi-disant entre eux et ils oublient que les personnes avec qui ils s'assoient pour rigoler comme ça ce sont des gens qui s'opposent à la religion d'Allah ou qui s'opposent à la sunna ou qui contredisent les règles de la religion et ils font comme si rien n'était donc ça c'est un exemple de comportement qui est en opposition avec celui qui aime réellement Allah et son messager donc le cheikh il dit فكيف بوقتنا هذا فكيف بوقتنا هذا لا شك أن الأمر قد زاد فكثير من الناس فقدوا هذه الصفات فقدوا هذه الصفات المعادات في الله والموالاة في الله والمحبة في الله والبغض في الله إلا من شاء الله ولكن قل هذا في الناس اليوم ولا نقول إنه مفقود بل هو موجود ولله الحمد ولكنه قل وما دام أنه قليل فليفتش كل واحد منا عن نفسه بأن لا يكون من الكثرة التي ضيعت هذا الأصل العظيم كالذين لا يوالون إلا على الحزبية والمنهجية فمن وافقهم على حزبيتهم ومنهجيتهم أحبوه ولو كان عدوا لله ورسوله ومن خالفهم أبغضوه ولو كان وليا لله ورسوله Le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il s'oppose à cette attitude-là à son époque où les gens ont commencé à se prendre pour alliés et s'opposer par rapport à la dunya. Donc qu'est-ce qu'on peut dire si c'est quelque chose qui, si ça se passe à notre époque aujourd'hui, c'est encore plus qu'à l'époque d'Abdullah ibn Abbas. Et le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que ça a augmenté cette attitude-là. Et le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu les caractéristiques que Allah nous ordonne de posséder, de s'opposer aux gens et d'aimer les gens par rapport à Allah. Et c'est très très peu, excepté ce que Allah a préservé et a gardé. Mais c'est très, vous savez, il y a très peu de gens qui ont ces caractéristiques-là aujourd'hui, qui aiment pour Allah et qui détestent uniquement pour Allah. On ne peut pas dire que c'est complètement absent et qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a, alhamdulillah, mais c'est très très peu. Et tant qu'il y en a un petit peu, eh bien, il faut chercher en nous-mêmes pour savoir est-ce qu'on fait partie du grand nombre qui ont abandonné ou perdu ces caractéristiques-là, ou bien, alhamdulillah, on fait partie de ce petit nombre qui ont ces bonnes caractéristiques-là. Et le cheikh il donne une autre comparaison, il dit il y a des gens aujourd'hui, eux, ils s'allient pas ou ils se détestent pas par rapport à la dunya nécessairement, mais par rapport à un groupe qu'ils suivent. Par exemple, un groupe de bid'ah ou un minhaj de bid'ah, comme par exemple, il y en a qui font partie d'un groupe qui sont établis sur un minhaj qui est en contradiction avec la sunna, comme les Ikhwan, les Sururiya, les Qutbiya et d'autres jama'at qui existent aujourd'hui, les Tablir, ils s'aiment. Si tu suis leur groupe et leur méthodologie, ils t'aiment. Si tu es soufi avec eux, ils t'aiment. Si tu es n'importe quel manhaj que tu suis, tu es d'accord avec eux, ils t'aiment. Mais si tu t'opposes à eux et à ce qu'ils suivent, de ce qu'ils ont fait qui est en contradiction avec la sunna, ils ne vont pas t'accepter, ils ne vont pas t'aimer. Ils vont te rejeter, ils vont te détester. Donc, le cheikh dit ces gens-là, ils aiment juste parce qu'ils se basent par rapport à ce qu'ils aiment juste quelqu'un s'il est en accord avec leur groupe. Et leur méthodologie. Même si la personne qui est avec eux est un ennemi d'Allah, du moment qu'il est en accord avec leur manhaj, ils vont le supporter, ils vont l'aimer. Et si c'est quelqu'un qui s'oppose à eux, mais qui est en accord avec qu'est-ce que Allah ordonne, ils vont le détester, même si c'est un allié d'Allah. Donc, et pour terminer, le cheikh il mentionne une autre parole de Abdullah ibn Abbas. Il dit, قال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة وتقطعت بهم الأسباب. Ça c'est le verset 166 dans sourate al-Baqarah. Le cheikh il termine avec ce verset là. C'est le verset qui vient juste après le verset qu'on a lu au début hier. On a lu ça au début. Le verset qui dit, parmi les hommes, parmi les mouchriquins, il y en a qui prennent des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, يا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. ففي سورة البقرة le verset qui suit le verset dont on a parlé hier, c'est le verset 166 dans la sourate al-Baqarah. Donc ce verset-là, ça veut dire lorsque يَتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. C'est-à-dire ceux qui ont été suivis dans ce monde, eux ils vont se désavouer de ceux qui les ont suivis. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Et l'amour qu'ils avaient entre eux va être coupé. C'est ça que ça veut dire. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Donc ils auront plus d'amour. C'est ça que Ibn Abbas explique dans ce verset-là. C'est-à-dire l'amour qu'ils avaient entre eux va être coupé. Ils n'auront plus de lien d'affection et d'amour entre eux ce jour-là. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Donc c'est ça que ça veut dire ce verset-là, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'amour entre eux au jugement dernier, ces gens-là. Et donc le cheikh il explique cette parole-là d'Abdullah ibn Abbas, il dit « Qala rahimahullah, qala Abdullah ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, wa taqatta'at bihim al-azab, qala al-mawadda, hadhihi nihayatu man abada ghayr Allah yawm al-qiyamah, فعبدة غير الله في الدنيا يحبون ما عبدوه كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة فتوجد المحبة بين الكفار فبعضهم مع بعض بعضهم مع بعض وبين المشركين ومعبوداتهم في الدنيا ولكن يوم القيامة تنعكس الأمور وتصير هذه المحبة عداوة كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني يوم القيامة إلا المتقين فلا يبقى إلا المحبة التي كانت في الله ولله وهي التي تبقى يوم القيامة إخوانا على سرهم متقابلين ويقول إبراهيم عليه السلام للمشركين يحذرهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون لأنهم يقولون لمن أضلوهم أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله. Le chef explique dans ce verset-là, il dit qu'ils n'auront plus aucun lien d'amour ou d'amitié entre eux. Et ça, c'est la conclusion de ce qui va arriver à toute personne qui adorait autre qu'Allah au jugement dernier. Donc ceux qui ont adoré d'autres qu'Allah dans la dunya, ils aiment ce qu'ils adoraient. Hein? Ils aiment ce qu'ils adoraient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui prennent des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui les aiment comme on aime Allah. Donc il dit, c'est la même chose pour les gens qui ont suivi dans cette dunya, ils aiment ceux qu'ils ont suivi hein, dans l'égarement. Donc il y a, tu vois maintenant, des gens des koufars, ils s'aiment entre eux, hein, mais tu vois des koufars qui s'aiment entre eux, tu vois des mouchriquins qui aiment ce qu'ils adorent, les êtres qu'ils adorent dans cette dunya, mais au jugement dernier, cet amour-là va se transformer en haine et en animosité, ils vont se rejeter les uns les autres, et cet amour-là va devenir une haine au jugement dernier. Comme Allah dit dans le Coran, les bons amis, les gens qui étaient des amis intimes, hein, proches dans ce monde, au jugement dernier, ils vont être des ennemis les uns les autres. Excepté les pieux. Excepté les pieux, eux, ils vont s'aimer même dans l'autre vie parce que ils étaient sur la vérité et ils s'aimaient pour la vérité. Donc, il ne restera au jugement dernier aucun amour, excepté celle qui était en Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est elle qui va demeurer au jugement dernier, comme Allah dit dans le verset 47 dans Surah Al-Hijr, qu'on va être comme dans le paradis, on va être comme des frères assis sur, et accoudés sur des lits ou allongés sur des lits face à face. Hein, le verset 47 dans Surah Al-Hijr. Et Ibrahim, il dit aux mouchriquins, il les avertit, il dit, vous prenez uniquement des idoles en dehors d'Allah, et vous adorez uniquement des choses en dehors d'Allah, pour créer des liens d'amour entre vous dans la dunya. Puis au jour de la résurrection, vous allez vous renier les uns les autres, et vous allez vous maudire les uns les autres, et votre destination sera le feu. Hein? Et ça c'est le verset 25 dans Surat Al-Ankabut. Donc, eux, au jugement dernier, ils vont se maudire et ils vont se détester les uns les autres. Pourquoi? Parce que ils vont dire à ceux qui les ont égarés, c'est à cause de vous qu'on s'est égaré dans ce monde et c'est vous qui nous avez déviés et qui nous avez détournés de l'adoration et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit ici, فدلت هذه أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإيمان والموالاة في الله والمعاداة في الله فإنها تبقى بل تزيد يوم القيامة وتستمر إلى أبد الآباد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فدلت هذه الآية على أن المحبة التي لغير الله تزول يوم القيامة وتنقلب عداوة وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم ورؤسائهم تنقلب عداوة يوم القيامة فيما بينهم ويتلاعنون ويتلاومون فيما بينهم من باب التحسر والعياذ بالله والتألم فهذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يزن نفسه به ولهذا يسمى باب الامتحان فكل يدعي الإيمان وكل يدعي الإسلام وكل يدعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكره في ما ذكر في هذا الباب. Donc le cheikh il termine ça en disant, en ce qui concerne l'amour qui existe entre les croyants, les hommes qui, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ils ont cet amour-là pour la foi qu'ils ont et ils s'allient pour Allah et ils se détestent en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet amour-là, c'est elle qui va demeurer et qui va durer et qui va rester. Même elle va rester au jugement dernier et elle va augmenter au jugement dernier. Et elle va durer à l'éternité, cet amour-là. Donc c'est même l'amour qui existe par exemple entre un homme et une femme. Si par exemple quelqu'un il aime sa femme parce qu'il aime parce qu'elle est croyante, parce qu'elle a la foi, parce qu'elle a l'iman, eh ben cet amour qu'il a pour sa femme et cet amour qu'il a pour son mari, ça va durer même dans le paradis parce qu'ils vont être éternellement ensemble dans le paradis, inshallah. Tandis que celui qui a aimé sa femme dans la mécréance ou dans le péché, et que la femme qui a aimé un homme dans la mécréance et dans le péché, cet amour-là qu'ils ont, eh bien, au jugement dernier, ça va devenir de la haine. Ils vont se détester les uns les autres et ils vont se maudire les uns les autres et ils vont rester dans l'enfer pour l'éternité. Ensemble, ils vont se détester de plus en plus. Donc, c'est le contraire pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit, comme on a dit dans le verset 47 dans Surah Al-Hijr, Allah va enlever tout ce qu'ils avaient, les croyants, tout ce que les croyants pouvaient avoir de rancune dans le cœur, dans ce monde, Allah va leur enlever cette rancune-là et cette haine-là qu'ils avaient peut-être dans le cœur à cause des choses de la dunya, des futilités, et bien Allah va les enlever, va enlever ça de leur cœur et ils vont être comme des frères. Hein, allongés sur des lits les uns en face des autres en train de discuter dans le paradis. Donc ça prouve dans ce verset-là que l'amour qui est pour autre qu'Allah, elle disparaît au jugement dernier et elle devient de la haine, hein, et que l'amour de ceux qui ont suivi, qui ont été suivis dans l'égarement, et l'amour de ceux qui ont suivi les gens dans l'égarement, qui ont suivi leurs dirigeants, qui ont suivi leurs chefs, hein, elle va devenir de la haine, et de l'animosité au jugement dernier, hein, et ils vont se maudire, ils vont se blâmer les uns les autres, et ça va être comme une tahassur, ils vont disons dire assez, tu as causé mon malheur, tu as causé ma perte, oui c'est ça, wal'iyadu billah. Donc ça c'est un chapitre très grave, et c'est obligatoire aux musulmans de se mettre dans la balance pour lui-même, hein, et c'est pour ça qu'on appelle ce chapitre-là le chapitre du test et de l'épreuve, hein, pour savoir si tu prétends avoir la foi, hein, et si tu prétends être sur l'islam. Donc ça c'est très facile de prétendre ces choses-là, tout le monde peut prétendre l'islam, tout le monde peut prétendre la foi, tout le monde peut prétendre s'éloigner de la dunya et des choses de ce genre, mais la vraie balance c'est ce qui a été mentionné dans ce chapitre-là. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.